Allez les enfants, asseyez-vous. Rose, reconnais-tu ces animaux ? Un chien. Une vache. C'est Philippe, British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission British Connection. Je m'appelle Hélène Gloria, je suis autrice jeunesse et je viens vous présenter l'un de mes derniers albums qui s'intitule Elijah Bates, le reine punk d'Angleterre. Oui, oui, c'est bien un livre pour les enfants et ça parle de punk et de rock'n'roll. Mais pas que. L'histoire en quelques mots, c'est celle d'Elijah Bates, un reine du Père Noël qui en a marre de passer sa vie à livrer des cadeaux aux marmots. Alors un jour, il plaque tout pour aller vivre son rêve qui est de fonder un groupe de musique. Mais pas n'importe quelle musique, un groupe de rock punk. Extrait. Elijah Bates quitte la toundra. Sa mère, son patron et ses potes de l'attelage ne comprennent pas. La neige, le froid et les grelots, il en a plein les sabots. Il ne veut plus entendre parler de Noël, des cadeaux, des gamins. Et des lutins, encore moins. Son rêve à lui, c'est la musique. La vraie, avec le riff des guitares électriques. La belle, avec un solo de batterie tellement fort qu'il finit par vous transpercer le corps. L'unique, celle qu'on appelle le rock punk. Elijah Bates débarque à Londres, là où l'on mange punk, là où l'on respire punk, là où l'on vit punk. Mais avant tout ça, il faut avoir l'air punk. La suite, ce sera après une première pause musicale avec une artiste islandaise influencée à ses débuts par le punk et qu'on ne présente plus, Björk. J'ai choisi son morceau « Where is the line » tiré de l'album « Medulla » entièrement composé a cappella. Un clin d'œil à Elijah, qui lui aussi donne de la voix dans notre album. Et puis également un clin d'œil à l'Islande, une terre de feu et de glace que les reines arpentent et broutent en liberté. Peut-être des souvenirs de jeunesse pour Elijah, qui sait. Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the light? British Connection sur votre radio, sur Facebook, en podcast, British Connection, you rock. On laisse l'Islande à ses brumes et on revient vers un climat plus tempéré, à Londres, où l'on retrouve Elisabeth. Notre reine punk est parvenue à monter son groupe de musique, mais le voilà à présent face à un choix imprévu, un dilemme même. Extrait. Par un après-midi ensoleillé, une limousine passe dans la grande allée, près du kiosque entouré par la foule. « Qu'est-ce donc ?» demande la passagère à son chauffeur. « Un groupe de musique, Majesté. »« Est-ce cela que l'on nomme rock punk ?»« Je le crains, Majesté, » répond le chauffeur avec une grimace dédaigneuse. De retour au palais, la reine fait les 100 pas. L'année dernière, ma soirée d'anniversaire était d'un tel ennui, dit-elle à son conseiller. Cette fois, ce sera différent. Bien, Majesté. Je vais convoquer les ministres et nous allons... Non, pas la peine, interrompt la reine. J'ai déjà mon idée. Le conseiller, quelques ministres et leur armée d'agents secrets pas très discrets enquêtent, écoutent, observent Elisabeth et ses compagnons. Une fois qu'ils sont déclarés sans danger, le conseiller frappe à la porte de leur studio. « La reine vous demande de participer au concert pour son anniversaire, » dit le conseiller avec un air pincé. Les musiciens sautent de joie. Seule Elijah se demande. « C'est sympa, Buckingham Palace, mais c'est pas très punk, si ?» Je vous l'avais dit en introduction, c'est un livre qui parle de rock, mais pas que. Viennent également se télescoper dans l'histoire, une vieille dame très connue avec une couronne sur la tête et un vieux barbu à manteau rouge. Haha, le suspense est à son comble, mais je ne dévoilerai pas le dénouement de l'histoire qui s'achève sur une pirouette. Je vous laisse l'imaginer le temps d'une seconde pause musicale en compagnie cette fois d'une artiste finlandaise, Tarja Turunen. La Finlande, autre pays où évoluent les reines. Vous les voyez en quête de nourriture, grattant le sol gelé l'hiver dans les clairières du nord, recouverte de neige où l'on ne sait plus où se trouvent les frontières de la Suède ou de la Russie. Tarja Turunen, elle aussi, franchit les frontières. Musicale, elle, réalisant le grand écart entre le chant lyrique de sa voix soprano et le heavy metal. Le morceau s'intitule « Tears in Rain », littéralement « Larmes sous la pluie ». Elle fait certainement référence au crachat londonien, What else? British Connection avec vous depuis 1982. You rock! Il est temps à présent que je vous parle de mon complice, Olivier Chénet, l'illustrateur de cet album. Olivier est un artiste complet car non content de faire des super dessins, il écrit aussi, et il est musicien. Ses illustrations au crayon de couleur sont à la fois tendres, drôles et... Comment ça, je suis pas objective? Bien sûr que si! La preuve, Il n'a pas eu à convaincre notre éditeur québécois. Lui aussi était sous le charme depuis le début du projet. Et il lui a donné carte blanche sur un maxi format. Olivier s'est pas fait prier. Il nous a offert de splendides doubles pages qui font briller les yeux et nous plongent au cœur de Londres. Si vous ne me croyez pas, regardez par vous-même. L'album s'adresse aux enfants, ok? Mais les adultes y trouveront leur compte aussi. Car Olivier, en pur fan de rock, a distillé dans les pages des références aux groupes mythiques britanniques, que ce soit le London Calling des Clash ou l'Abbey Road des Beatles. Elizabeth, le reine punk d'Angleterre, est donc un album qui parle de passion pour la musique, mais aussi de l'importance de croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent. La reine d'Angleterre l'a sans doute compris, car un exemplaire d'Elijah occupe désormais une place dans l'une des nombreuses bibliothèques de Buckingham Palace. British Connection oblige. Elizabeth, le reine punk d'Angleterre, écrit par Hélène Gloria, illustré par Olivier Chénet, est paru aux éditions 2, D'EX. On se quitte avec un dernier titre et une artiste venue cette fois du Canada, l'autre contrée des reines, ou des caribous, comme disent les Canadiens. Tania Tagag-Gillis, l'artiste en question, est originaire du Nunavut, le territoire des Inuits au nord du Canada. Elle s'est fait connaître par le chant de gorge qu'elle pratique depuis sa jeunesse. Le morceau choisi s'intitule « Tis a Gap ». C'est une spéciale dédicace pour nos éditeurs québécois France et Yves. Alors enjoy and bye bye! Children, and my teeth welcome your windpipe. Oh. Touch my children, and my teeth welcome your windpipe. Utter the name and be crushed by leg, grown strong from holding up weight. By thigh that carries rocks, an urgent gait. I will hunch my shoulders and wait. Claws sharpened, teeth agape. Claws sharpened, teeth agape. Thank you. All transmitters to full. All receivers to boot. This is London calling. This is Rock and Roll Radio. Jive! Stay tuned for more rock and roll. Jive! British Connection. Ouvrez vos oreilles. Vous êtes bien sur British Connection. Monsieur l'agent, je vous en prie, j'ai encore jamais fait de bêtises, je vous le jure. Ma mère va me tuer. Elle va me tuer. Il fallait réfléchir un peu avant de vous laisser entraîner par ces trucs. Souvenir. How do you do, ladies and gentlemen? I trust that everyone is enjoying the music. On ne peut empêcher une histoire de te raconter. Alerte rouge! Alerte rouge! Vous êtes prêts? Bien, alors nous allons commencer tout de suite. 3, 5, 0, 1, 2, 5, 2! Joy Division, groupe post-punk, se forme en 1976 à Manchester. Bernard Sumner, guitariste, et Peter Hook, bassiste, recrutent Ian Curtis, le chanteur, par petite annonce déposée dans le Virgin local. Vous avez répondu, j'imagine, à un tas de petites annonces. Un tas, non, un certain nombre, oui. Les batteurs se succèdent, trois en un an, dont Steve Brotherdale, du groupe Panic. Après avoir fait quelques concerts sous le nom de Steve Kittens, c'est en 77 que le groupe prend le nom de Warsaw. C'est à cette époque qu'arrive Stephen Morris, le batteur définitif. Une démo 5 titres est enregistrée, mais les morceaux ne sortiront qu'en 94. En 78, adieu Warsaw, le groupe se produira désormais sous le nom de Joy Division, qui désignait une section organisant l'exploitation sexuelle de prisonnières dans les camps de concentration nazis. Cette année-là, premier passage télé sur une chaîne locale avec le morceau Shadowplay et création du label Factory Records. C'est aussi leur premier concert à Londres, devant seulement une trentaine de personnes. Ouais. C'est à cette époque que Ian Curtis a sa première crise d'épilepsie. En 79, le label WEA leur propose 40 000 livres pour sortir un album, mais c'est finalement Factory Records qui propose des royalties plus justes, 50% au lieu des 8% de WEA. Unknown Pleasure sortira en avril, le seul album sorti du vivant de Ian Curtis. Avec sa pochette noire et blanc de Peter Saville, le disque contient 10 titres, dont Disorder, Shadowplay et le mythique She's Lost Control. Sorti ensuite du EP Transmission. This is called Transmission. Le groupe passe à Paris, au Bain Douche, le 18 décembre, dont un enregistrement sortira en 2001. Radio, live transmission. En ce début d'année 1980, Ian est père d'une fille de 9 mois, mariée avec Déborah, et commence une liaison avec une photographe belge, Annie Connery. Tu crois vraiment qu'un homme va quitter sa femme et son bébé pour une étudiante ? Il se sent déchiré et sa dépression s'accentue à cause du traitement médicamenteux contre l'épilepsie. Première tentative de suicide au rasoir. Pourquoi vous faites-vous ça à vous-même ? En mars, le groupe enregistre au studio Britannia Row de Londres son deuxième album, Closer. 9 titres plus sombres que le précédent album et également plus de synthé et d'effets de studio. Les concerts reprennent à un rythme effréné. En avril, à la fin d'une prestation en première partie des Stranglers à Finsbury Park, Ian est pris d'une crise d'épilepsie. Le public prend ça pour son jeu de scène. Elle fout tout le spectacle par terre, tu vois pas ça, le mais le public enfin... ne voit pas la différence. Trois jours après, deuxième tentative de suicide au barbiturique. Oh, faites pas attention à Nick, il fait sa crise de déprime habituelle. Le lendemain, il est remplacé lors d'un concert qui se termine en bagarre générale. Le public est furieux. Je comprends pas pourquoi les gens sont affolés comme ça. Les concerts sont suspendus, et pendant ce temps, la femme de Ian envisage le divorce. Il s'enfonce encore un peu plus dans la dépression. Que souhaitez-vous exactement ? Que je le fasse interner ? Le 2 mai, Joy Division donne un dernier concert à Birmingham University avant une tournée aux USA prévue le 21 mai. Mais deux jours avant, Ian se pend dans la cuisine de son domicile à Meikle Street. Va prendre des ans jusqu'à ce que mon sang suive. Un mois après, sort le 45 tour Love Will Tear Us Apart. Une chanson sur le désamour, sans doute la plus connue du groupe. L'album Closer sortira, lui, en juillet. Le groupe est quant à lui dissous pour renaître aussitôt sous le nom de New Order et sortira en 81 le single Ceremony, dernier titre écrit par Ian Curtis et qui figure dans le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, sorti en 2006. Par la suite sortiront également deux films. En 2002, 24 Hour Party People, montrant la scène de Manchester de l'époque, puis en 2007, Control, de Anton Corbijn, retraçant la vie de Ian Curtis. Answer me, Ian! Don't ignore me! Pour la petite histoire, Nathalie, la fille de Ian, est figurante dans la scène du concert de Derby Hall. Toujours en 81, sort un double album posthume, Still, composé d'enregistrements studio et du dernier concert à Birmingham University. Après son départ de New Order en 2007, Peter Hook fonde différents groupes, dont en 2011, Peter Hook and the Light, avec son fils à la guitare, pour interpréter les morceaux de l'album Unknown Pleasure. Ils passeront à Paris au Trabendo en mars 2011, avec en première partie le groupe français Frustration. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est Monsieur Paul et les solutions dans mon monde. Pourquoi ? Et pourquoi pas après tout ? On y martyrise une big meuf russe pour le riff gavé de fuzz. On adore faire ça. Ce son garage, on est super fan. Et puis on a aussi un vieux Farfisa qui fait le boulot. Quand on le joue, on se prend pour les Fuzz Tones ou les Lords of Altamont. Alors pourquoi on finirait pas sur les planches de l'Olympia nous aussi ? Votre émission rock se termine, on se retrouve dans un instant, on fait une courte pause pour la deuxième heure, on la débutera avec Rémi, son micro jaune, il rendra hommage à Joe Strummer. Tarawou nous parlera de son nouveau single, il y aura la série live. Et on retrouvera Rémi des Frelons pour son choix scalda semaine, et à tout de suite. Comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. C'est cela. S'il vous plaît. You're listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy.